RQC. Il est 20h. Allô, c'est Alastair Sin du groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur RQC 95 FM. Eh ben bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Monsieur Scream, bonsoir Slasher. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Slasher. Et bonsoir, attends, ce qui est l'ami, il essaie de parler dans le choco. Voilà, donc vous allez vous dire, on a beaucoup d'invités aujourd'hui, mais ce n'est pas un musicos, mais c'est un no fan encore. Et oui. Voilà, et il est venu chercher son lot, et ben je dis, ben pourquoi pas participer un peu avec nous, comme, bien sûr. Comme la semaine dernière, on a passé une très bonne soirée. Ah oui, avec Yannick Agnès. Ouais, Yannick. D'ailleurs, bonjour. Yannick Agnès, c'est vrai, c'était sympa. Voilà, donc Jérémy est un fan inconditionnel, on peut dire ça comme ça, de Rive d'Enfer. Hein. Uh-huh. C'est bien de rencontrer un petit peu des gens. Ça nous fait super plaisir. Ouais, c'est sympa quand on voit les gens qui écoutent notre émission. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Oui. De les voir en vrai, d'avoir un visage. Vous m'accompagnez tous les lundis, de 20h à 22h dans ma voiture de patrouille. Ah si, bah c'est vrai que des fois on a une pensée, on dit tiens, tel il nous écoute. Bon, nous on voit sur le net quand on connaît des gens, mais bon, on connaît pas fatalement tout le monde étant donné qu'on est à beaucoup. Aussi, hein, ouais, nombre d'abonnés, ça fait que grimper. Et en plus, tu vois, ça fait encore plus plaisir quand il vient et il fait me dire. Je t'ai déjà vu, t'as vraiment une tête de con, mais alors en vrai, c'est encore mieux, quoi. Ceci est faux, je tiens à le signaler. Il va dire, tiens, je ne vois pas comme ça. Non, mais c'est bien, parce qu'au moins comme ça, on a aussi la preuve que quand on offre quelque chose qui est un cadeau, bah, si vous n'êtes pas trop là, vous pouvez venir le chercher, vous l'avez, c'est pas des bobards, quoi. Oui, c'est si, tout à fait. Sinon, on l'envoie. Hein. On l'envoie, c'est ça. Quand c'est loin. Soit par pigeon. Ou... pigeon voyageur. On précise bien par pigeon parce que ça va être encore une fois mal interprété. Voilà. Déformé dans nos propos. Ou alors le slasher la porte. Le slasher la porte. Je sonne à vos portes, je m'infiltre dans vos maisons. Voilà. Alors Agnès nous fait un petit coucou aussi. Ben, voilà, bonjour coucou. Agnès. Voilà. Bonjour. Les cantiliens. Hein, donc il y a des gens de Chantilly qui sont montés. Hein. Ah bah oui, bah, je les ai vus. Ouais. Non, mais c'est fou. Vous n'avez pas vu, si non, non. Vous avez vu. Au cas où il y en a qui seraient revenus du 15 août, on leur dire. En chair et en œuf, on les a vus. C'était super sympa aussi cette soirée avec eux. C'était super, super. Ouais. Et on a appris des choses. Et l'air de rien, ils nous ont apporté aussi du monde. Il faut dire reconnaître. Voilà. Alors aujourd'hui, au programme de l'émission, il y aura bien entendu la Sylval Song, la Slasher Song, la balade crapuleuse et aussi deux interviews. Mm-hmm. Le premier, dans à peu près 13 minutes, c'est Dagoba. On va vous parler un petit peu du nouvel album. Oui, oui, on va voir Sweater en interview, chanteur frontman. Voilà, Werther. Ouais. Werther. Et qu'on aura d'ici quelques minutes. Un album très attendu, d'après ce que j'entends. Oh oui, il sort le 25. Le 25. Mais ça va aller vite. Oui. Et aussi, aux alentours de 21h après la balade crapuleuse, on aura Zach de Lunar Experiment. Encore une interview phoneur. Ben voilà. Zach. Non mais c'est pas son nom de famille, c'est pas Wild. C'est pas Wild. Alors on va commencer tout de suite avec quelque chose qui déboîte pas mal dans les chaumières. C'est Blood Hunter avec The End of Fate. Croire à la fin, mais il faut pas croire tout le temps à la fin, les amis. Faut croire au début. Voilà, au début de la fin du commencement. Voilà. Allez, c'est parti, on va un petit peu se dégourdir et on se retrouve tout de suite après. Go! Voilà, donc c'était Blood Hunter avec le titre The End of Fate. Bah, je vous avais dit, on allait se réveiller quand même assez fort, hein, les amis. Voilà, mais bon, ça fait plaisir. Alors, on va un peu en profiter aussi, tant que Jérémy est là aussi, hein, un petit peu comme ça. Nous, on aime bien un peu de savoir un peu comment tu as un peu découvert comme ça Rive d'Enfer. Est-ce que c'est par le fait d'avoir vu des flyers en concert ou des choses comme ça? Bah, pas du tout, en fait. C'était un total hasard. Oui. C'était au boulot, en fait. J'étais occupé de zapper. Bon, il y en a qui zappent à la télécommande de la télé. Moi, je zappais sur mon autoradio. Et je suis un peu tombé sur... j'ai entendu du métal entre 20h et 22h, 21h. Je me suis dit, vous, comment est-ce possible sur la bande FM, quoi. Donc j'ai laissé un peu l'émission et j'ai découvert que c'était, à ma surprise, sur RQC. Et c'est ainsi que j'ai découvert ton émission. Et je t'ai plus lâché depuis, quoi. Tu ne nous as plus lâché. On est trois dans l'équipe. Ouais, hein. Vous, ouais. Désolé. Ah bah, ça fait plaisir parce qu'en plus, c'est un moucronois qui a découvert quand même qu'il y avait du métal. Bah oui, voilà. La surprise, quoi. Voilà. Bah, c'est bien, c'est très bien. Justement, quel est ton genre de métal? J'ai pas vraiment de style. L'aluminium, l'inox. Pas vraiment de style particulier. Je marche beaucoup au coup de cœur. Après, j'aime bien ce qui est originaux. Donc. Ici, une pote m'a fait découvrir un super groupe qui tourne depuis 10 ans, c'est Arkona. C'est du pagan, mais chantant en russe, quoi. Donc le fait de chanter en russe et ce pagan, ça, c'est vraiment une super bonne ambiance, quoi. Mm-hmm. J'écoute un peu de tout. Étant un peu fan du Japon, je commence à m'y mettre à découvrir le métal japonais. C'est pas mal, il y a du bon qui se passe là-bas, quoi. Notamment le groupe Brider. Oui. Je n'ai pas vraiment un style particulier. Arkona, un groupe qu'on a rencontré, nous, au Hellfest, il y a deux ans, Slasher, c'est ça? Oui, on l'avait eu en 2015. Alors, c'était assez marrant pour l'interview parce qu'il fallait... Il y avait un traducteur lisait et l'autre. Il y avait un traducteur pour nous comprendre les questions en anglais, qui le traduisait en russe, qui le retraduisait en anglais. Donc, c'était assez folklorique, quoi. On était un peu perdus nous-mêmes, mais c'était assez marrant, c'est un beau souvenir. Comme quoi, c'est pas simple. Mais voilà, quoi. Donc tu es un peu éclectique, on va dire, comme ça, quoi. Totalement. C'est bien. Et on espère pour nous que tu fais quand même notre pub, hein. Tu invites tes potes et tout ça. Bah ouais, j'essaye. T'essayes, mais bon, c'est, à mon avis, c'est... Est-ce qu'ils sont tous métalleux? Oui, malheureusement, non, quoi. Il y en a très peu, quoi. J'essaye, mais c'est pas facile. Ouais. Après, il y a toujours les clichés aussi sur ce genre de musique, comme quoi c'est encore toujours, on pense que c'est satanique ou autre, ou quoi. Mais il faut une fois arrêter avec ça. Quoi. Ton plus beau souvenir, mais ton plus beau groupe, ton groupe préféré, c'est? Ouais, j'en ai pas vraiment un groupe préféré. T'en as pas un plus que l'autre? Ici, j'ai découvert pour la première fois, ça a été Korn il y a pas longtemps. C'était vraiment un groupe que j'attendais de voir depuis que je suivais depuis le début. Ça m'a mis une belle claque en live quand même. Ah ouais, ça déménage quand même. C'était terrible quand même, quoi. Il semble de rien, le chanteur a déjà d'âge aussi, il semble de rien, et se donner comme il donne. Jonathan Davis. C'est un bon souvenir, quoi. Mm-hmm. Voilà. Et nous, on va continuer. On va juste passer encore un extrait, si tu es d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis après, on va téléphoner à monsieur Werther pour l'interview d'Agoba pour le nouveau bébé qui sort le 25. On va d'abord s'écouter Debbie Ray avec Slave to the System. Et puis après, on sera justement pour en découdre avec d'Agoba. Spencer! Eh ben voilà, voilà, voilà. Donc nous avons Werther au téléphone. Allô ? Salut, enchanté. Ça va, tu vas bien ? Tout va bien, tout va très très bien. Tout va très bien. Voilà. Direct de Marseille. Il doit faire meilleur que chez nous. Tu sais, chez nous, il fait gris. Mais bon, tu vas nous apporter le soleil en te parlant un petit peu, en nous parlant un petit peu de ton nouvel album, quoi. Alors voilà, l'album sort le 25 du 8, hein, il s'appelle Black Nova. Comment s'est passée l'écriture justement de ce 7e album, si je ne me trompe, c'est bien le 7e album, hein ? Oui, c'est exact, le 7e album, donc Black Nova, il s'est passé très normalement, c'est-à-dire que on a procédé par maquette, Shouter a amené des maquettes. Et puis, au fur et à mesure, on voyait que les morceaux s'imbriquaient bien entre eux. Donc, on a fait des démos, tout ça, et puis des pré-prod. Et puis après, à un moment, on s'est dit, on va enregistrer quoi, tout ça, quoi, tout simplement. Donc, un enregistrement et une composition, c'est qu'il y a de plus normal. Les premières idées qui germaient pendant la tournée de Tales of the Black Down. Et puis au fur et à mesure, on s'est dit, on va continuer, quoi, voilà. Moi, j'ai écouté l'album parce que ça fait plus d'un mois qu'on l'a eu par la maison de disque. Il est vraiment différent du prédécesseur. Hein, donc, est-ce que c'est vraiment voulu d'avoir un peu changé un petit peu l'orientation musicale ? Si tu veux, on a toujours des évolutions, des côtés qu'on laisse un peu de côté, enfin. Des côtés du groupe qu'on a envie de développer, qu'on a envie de changer. Là, on avait un album très, très dark sur le précédent, Tales of the Black Down, et on voulait amener un côté un peu plus électronique ou délaisser un petit côté symphonique, le côté symphonique sur certains morceaux et avoir un côté un peu plus industriel. Électronique et industriel, ces touches-là un peu plus, pour avoir un côté un peu plus martial par moment sur certaines chansons. Oui. Donc c'était clairement voulu. C'est un album qui est assumé complètement à 2000% et où on avait envie d'avancer, de proposer quelque chose de différent. Et d'imprimer une patte artistique clairement différente. On a pris des risques et on avait envie d'aller plus loin, en fait. Mais justement, quand tu dis de repartir sur des trucs différents, vous avez aussi fait appel à Jacob Hansen cette fois-ci. Exactement. Pourquoi ce choix ? Alors, pourquoi ce choix ? C'est... En général, on fonctionne par... On change tous les deux albums à peu près de producteur ou de mixeur. C'est quand même un élément très important de la musique et du métal en ce moment. Et puis Jacob fait du super travail. Il a travaillé avec des énormes groupes comme Epica, comme Volbeat. Et en fait, j'avais vraiment accroché sur certaines de ses productions et notamment un album de Evergrey j'étais vraiment fan du son de cet album donc du coup j'ai proposé à tout le groupe et puis on a foncé et on voulait quelque chose de différent par rapport à Logan Mader qui avait mixé les deux derniers albums. Oui. Pas qu'on s'entende plus avec lui, mais c'est juste qu'on cherchait quelque chose de différent avec plus de dynamisme, plus de... Ouais, on cherchait à donner un nouveau souffle, en fait, je crois, au son du groupe, avec plus de guitare, plus de tout. Mmh. Et puis le choix s'est parti sur lui, quoi, voilà. Donc, très content du résultat. Oui, moi je peux dire qu'il est, il est vraiment super, même le son est nickel chrome, quoi. Ouais. Justement, de rien, il faut dire ce qu'il y a. Black Nova, est-ce qu'on peut considérer ça comme un album concept ? Si oui, est-ce qu'il y a un fil rouge et lequel est-ce ? On a toujours, on va dire, un fil conducteur au niveau de... Il y a toujours une grosse métaphore entre les paroles, les illustrations, donc ce ne sont pas vraiment des concept albums, mais on peut dire qu'il y a un thème global et pas un empilage d'idées ou de chansons. C'est vraiment, on part dans un délire et puis... donc voilà, c'est l'idée d'un renouveau en fait, et il y a une métaphore avec tout ce qui est les planètes, quelque chose de cosmique. Donc voilà, chaque titre fait une référence à une planète ou à quelque chose qui est dans l'espace ou voilà. Et là, le Black Nova, c'est une espèce de changement et de nouveau départ en fait, quoi. Donc c'est une métaphore vers un nouveau départ. Justement, en parlant de ça aussi, l'artwork, parce qu'on a eu l'occasion, parce que des fois on reçoit sur des bouts de papier les albums dans une enveloppe, là on a eu l'artwork avec, et c'est Seth qui a participé à l'artwork, qui a un travail phénoménal. Est-ce que vous lui laissez libre choix, ou est-ce que vous lui donnez un petit peu les idées dont vous voulez évoluer, voilà. Alors, on a croisé pas mal de fois Seth, on a joué de nombreuses fois avec ses petites flèches. On lui donne des lignes directrices, on va dire. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a certaines parties de son travail qu'on admire énormément, il y en a d'autres où on ne veut pas. Certaines illustrations pour Dagobah, tout ce qui est trop sombre avec l'utilisation de couleurs noires, ça on n'est pas trop fan en fait. Donc on lui demande toujours des couleurs qu'on va pas s'attendre vraiment à voir dans l'univers du métal. Donc là il y a quelque chose d'un peu jaune, gris. Donc voilà, et après on essaye de lui demander toujours ce côté avec l'eau. C'est quelque chose qui nous attire beaucoup. Donc il avait travaillé sur Postmortem Nihil Est, il y a deux albums. Il y avait, et puis cette idée de mutation avec le visage qui s'ouvre et comme sur Postmortem Nihil Est, hein, également, oui. C'était un visage qui se transformait. Donc là, voilà, pareil, il y a comme un zip qui laisse entrevoir une mutation, une transformation. Et donc voilà, il a des idées, nous avons les nôtres, et puis on l'amène vers quelque chose de... Vers certaines idées directrices, et puis après on le laisse faire complètement, il a 100%... Après, il a tellement d'idées qu'il nous amène, il nous propose 15 ou 20 illustrations, et puis après on choisit. Donc on va pas trop parler des départs de personnes, hein, du groupe, mais est-ce que ça n'a pas été trop dur? Il n'y a pas de problème, on peut en parler. Y a pas de soucis, mais est-ce que ça n'a pas été trop dur justement de revoir un peu est-ce que ça a été une façon pour vous de revoir un peu la façon de travailler avec deux nouveaux membres au sein de Dagobah? Pas vraiment en fait, parce que contrairement à ce que beaucoup peuvent penser ou c'était suggéré ou laissé imaginer, en fait Zed était arrivé dans le groupe, c'était un ami du groupe, bon il a dû s'adapter au groupe, à la façon de composer tout ça, voilà, il a fait un choix qui était en fait de il pouvait plus tourner, et puis après, vraiment, c'était... je crois qu'il n'y avait plus d'investissement personnel, donc il n'y a pas vraiment de changement, en fait, par rapport à la façon de composer et de gérer le groupe, en fait, quoi, tout simplement. Mm-hmm. C'est juste qu'il n'y avait pas d'investissement perso, et puis il n'y avait plus d'envie de tourner, tout simplement, donc après... avoir des avis divergents, il n'y a aucun problème, on peut en discuter, mais je pense qu'à un moment il faut prendre des décisions et puis être responsable des décisions qu'on prend, quoi, en fait. Donc ça n'a pas vraiment fait un grand changement. Le plus gros changement, c'était de humain, on va dire, de s'habituer aux nouvelles personnes avec qui on était et avec qui on joue, tout simplement. D'accord. Justement, là, votre album contient 10 titres. Hein. Ouais. Quel est le titre que vous avez eu le plus difficile à accoucher, où vous êtes remis plusieurs fois en question, est-ce qu'on va le mettre sur l'album ou pas, et tout ça? C'est pas vraiment difficile à mettre sur l'album, parce qu'on est toujours sûr, une fois qu'on a les pré-prod et qu'on a les maquettes des nouveaux morceaux avec les squelettes, on sait, c'était plus un défi technique. Par exemple, Vanta Black, le dernier morceau qui clôture Black Nova, et c'est vraiment un morceau ultra technique, qui est très différent de tous les morceaux qu'on a pu faire dans notre discographie. Il y a un défi physique, parce qu'on est dans les 230-240 BPM. Mmh. Beaucoup de blast beat, beaucoup de double pédale, assez tempo très élevé. Donc c'était plus un défi, on va dire, musical, technique, et de pouvoir jouer et rentrer ce morceau. Oui. Mais sinon, après, on assume à 2000% tous les morceaux, puisque vraiment, comme je te dis en début d'interview, c'est un album qui est voulu et assumé pleinement à 2000%. Donc, il n'y avait rien de compliqué, à part techniquement, où il fallait rentrer voilà, ce morceau qui était un défi un peu... on allait chercher quelque chose en dehors de la zone de confort, de je sais jouer ça. Là, il y avait de l'endurance, il y avait de la technicité, il y avait un morceau un peu différent. Donc voilà. Bon, ça fait 20 ans que vous êtes sur la route, vous avez déjà écumé pas mal de scènes, pas mal de pays. Est-ce qu'il y a des pays où tu aimerais, ou ce que vous aimeriez éventuellement vous rendre pour jouer, et vous n'avez pas eu l'occasion, et si oui, pourquoi? On a fait beaucoup de pays. Je pense que maintenant, il y a l'Amérique du Sud qu'on n'a jamais joué. On avait fait une énorme tournée avec Diran Gray aux États-Unis, Canada... on voulait absolument jouer au Japon, on est allé au Japon pour 4 dates, où on a reçu un accueil fabuleux. Oui, peut-être l'Amérique du Sud, là on va au Maroc pour la première fois dans un très gros festival qui s'appelle le Festival Boulevard. Donc voilà, un peu surpris de cette invitation. Je sais pas. Je sais pas vraiment où... Ouais, l'Amérique du Sud, sûrement. Et puis retourner aux États-Unis, sûrement retourner au Japon. Enfin, voilà, des tout nouveaux pays, toute nouvelle culture qui peut nous faire grandir et qui peut exporter le groupe. Et voilà, quoi, c'est... On est toujours curieux et avide de nouvelles découvertes. Voilà. Vous êtes très populaire chez nous dans le nord et dans le nord de la France et aussi en Belgique. Hein. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes groupes qui se lancent mais qui connaissent très très bien Dagobah, les erreurs à ne pas faire? Les erreurs à ne pas faire, moi je pense qu'il y a plus de... En fait, plus que d'erreurs à éviter, il y a... C'est les choses à faire, surtout. C'est beaucoup de travail. C'est bien connaître les gens avec qui on joue, et puis surtout un truc qui doit guider, c'est la passion et l'envie, plus que tout. C'est-à-dire qu'il y a des moments de découragement, il y a des moments où on se dit bah, ouais, c'est difficile, mais en fait faut braver, faut braver un peu, faut être courageux, et puis faut avoir une niaque et une envie débordante, en fait. Voilà, c'est, on peut dire que là avec Dagobah, ça a vraiment toujours été de l'envie. C'est à force de concerts, d'essayer de persuader les gens, de convaincre les gens sur scène, et puis c'est comme ça que le groupe est monté. Puis voilà, après il y a des albums qui plaisent moins, il y a des albums selon les goûts, on peut pas plaire à tout le monde, voilà. Mais c'est toujours d'avoir de l'envie et d'être guidé par la passion, et de faire preuve d'aise. Après, la créativité, on l'a moins, on peut essayer d'avancer, toujours d'avoir envie d'avancer et d'être passionné par ce qu'on fait, et ça c'est ce qu'il y a de plus important, je pense. Voilà, donc Est-ce qu'il avant d'enlever les trucs, d'éviter les choses à ne pas faire, c'est plus les choses à faire qui sont très importantes. Les erreurs, on en fait tous, hein, donc voilà. Quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a des dates prévues par chez nous, dans le Nord ou en Belgique éventuellement? Alors, la Belgique, je crois qu'on y retourne en novembre pour la guerre des Gaules. Oui. Te dire exactement où c'est, je sais pas trop. Je n'ai pas envie de me faire gronder si c'est dans le sud ou dans le nord, quoi, voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a beaucoup de l'est de la France, donc quand même. C'est de l'autre côté. Ouais, c'est quand même. Il y a des coins où il y a en Belgique, on peut y aller. Nord de la France, je pense que ça va être l'année prochaine, en 2018. L'année prochaine, puisqu'on devrait être sur les routes en compagnie d'un très gros groupe. Donc voilà, on devrait passer, quoi. Vu qu'on est passé il n'y a pas très longtemps avec Apocalyptica à l'aéronef. Oui. Et puis, il devrait y avoir quelque chose en Picardie ou quelque chose comme ça, quoi, dans le nord de la France. Quoi. D'accord, avec un gros groupe. Avec un gros groupe, ouais, je pense, ouais, ça c'est sûr. En début 2018, sur l'île, et puis bon, il y aura sûrement de la Belgique, très probablement en 2018. 2017, ouais, c'est sûr qu'il y a la guerre des Gaules, oui. C'est en novembre. Et puis, sûrement un Dunkerque qui tombera ou un festival, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est très, très probablement. Mais sur la fin 2017, il ne semble pas qu'on soit trop proche du nord de la France. Quoi. D'accord. Je vais te laisser choisir ton titre que tu as envie de nous faire découvrir ici sur RQC, Rive d'Enfer. Hein. Voilà, je te laisse choisir ton titre. Un titre de Dagobah, hein, fatalement, du dernier album, Black Nova. Du dernier album, mais oui. Écoute, si tu as Inner Sun ou de Dagobah. Mais on a tout l'album, hein, donc tu peux choisir. Hein, Bon, ben voilà, ben, écoute. Soit Inner Sun de Dagobah, soit le dernier Vanta Black de Black Nova qui clôture l'album, qui a un titre un peu technique, un peu très violent, mais c'est un super morceau que j'aime beaucoup, okay. Et qui je pense va beaucoup plaire. Après c'est au choix de l'animateur. Voilà, ben on va choisir Vanta Black. Donc, et je te laisse le mot de la fin pour d'abord vos fans et nos auditeurs. Ben écoutez, merci de votre soutien, merci de tous vos messages qu'on voit sur les réseaux sociaux. J'espère vous croiser très nombreux sur les routes en France. Et puis Black Nova dans 4 jours en France, en Europe. Et puis on se voit bientôt dans toutes les salles pour discuter, boire une bière et puis... prendre du plaisir en concert. Voilà. Ben je te remercie beaucoup, Werther. Et on se retrouve bientôt en concert. Voilà. Ciao. Merci. Ciao. Oui. Et ben voilà, donc c'était l'interview de Black de Dagobah. Et on va s'écouter donc Vanta Black. Voilà, donc c'était notre première interview, hein, c'était donc Dagoba, hein, qui nous parlait un petit peu du nouveau-né qui sort vendredi. Donc voilà, vendredi, vous allez dans les bonnes boucheries et vous aurez votre Black Nova, voilà, qui est là, je vous le montre en vitesse, là, hop, il est là. Nous, ça fait plus d'un mois qu'il est là, et qu'on l'a, on a pu jouer que Inner Sun et Storm of Ocean, et là, bon, Werther nous a dit qu'on pouvait jouer un autre titre, donc on a sa permission, on l'a joué, parce que sinon, voilà, sinon on se fait taper sur les doigts. Oui, oui. Alors, Sylval, tu as un titre pour nous. Oui. T'as vu, alors... j'ai pris l'accent un peu marseillais, tu as un titre pour nous. Non, allez, vas-y. Ah, ça va leur faire plaisir. Ça va faire plaisir. Oui. Bah, écoute, moi j'ai pris un groupe allemand. Allemand. qui vient de Düsseldorf, donc c'est une toute nouveauté, c'est Voodoma, avec le titre Love is Falling. Voilà, et donc on va partir du côté de l'Allemagne. Ouais, frontière allemande, Düsseldorf, c'est pas trop loin. C'est pas trop loin, t'es habitué toi, tu... Ouais, je suis habitué moi. Tu es une, on va dire ça, tu pourrais faire la route 66, toi sans problème. Ben je l'ai faite. Hein. Tu l'as faite, complète, de New York jusqu'à tout. Waouh, et ben c'était bien de rouler. Hein. Ouais, et... J'ai les photos moi, la première. Tu les as déjà vues chez moi, il me semble. Waouh. Ouais. Mais bon, tu sais, mais je veux dire, t'aimes bien rouler, c'est bien parce que t'as déjà eu l'occasion. Bien. Et l'ambiance allemande en concert, c'est pas mal non plus. Quoi. Ouais, c'est sympa. C'est pas, c'est encore différent. Voilà. Ouais. Un public respectueux, on va dire ça comme ça. Ouais, puis bon, d'autres horizons, quoi, tu vois, d'autres gens, tout ça. Bon, c'est sympa, puis bon. C'est vrai que j'ai l'habitude d'aller en Allemagne depuis longtemps. Mmh. Donc, bon, pour moi, ça n'a pas de surprise. Quoi. Voilà. Moi, je n'ai jamais été voir un concert en Allemagne, non. Non, j'ai été à Cologne, mais bon, enfin, ouais. Moi, je n'appelle pas ça l'Allemagne. Cologne, c'est juste. Bah, moi aussi, hein, c'était juste la frontière. Enfin, non, après, je me suis un peu. Aventuré. Éloigné de beaucoup, même. Mmh. Et oui. Pour aller voir bon, après, un de tes groupes fétiches. Oui, j'étais voir. Bah, là, c'est Düsseldorf, c'est à la frontière. Hein. C'est juste avant Cologne et tout. D'accord. Mais bon, après, je me suis aventuré bah, pour des vacances, pour des raisons personnelles. Mm-hmm. En Allemagne, moi, je connais bien l'Allemagne, c'est sûr. Voilà, et ben c'est bien. Donc, on a voyagé de Marseille, maintenant, on part en Allemagne. On remonte ouais. Vers l'Allemagne. Avec, donc, je te laisse annoncer. Alors, Voodoma, avec le titre « Love is Falling ». Thank you. Voilà, donc c'était... Oui, donc c'était Voodoma avec le titre Love is Falling. Voilà. Est-ce que c'est un peu ta cam, ce genre de choses? C'est pas mal, ça m'a bien plu. C'est une chouette découverte. C'est un peu style un peu de gothique, ouais. Dark. Ouais, c'est bien sombre, j'aime bien. Ouais. Ouais. Bon choix. Ouais, c'est sympa. Donc, en revenant un petit peu, bah, j'espère que vous, ça vous aura plu un peu l'interview aussi de Dagoba, où on a appris certaines choses quand même. Hein, voilà, quoi, c'était du direct. Et j'espère que demain, quand on va se réveiller, il nous aura quand même apporté le soleil. J'espère. De Marseille. Le soleil de Marseille. Hein. Marseille. C'est ce que j'ai dit, hein, soleil de Marseille. Soleil de Marseille. Hein. Parce que tu me regardes avec une tête. Non. Ou quand j'aurais dit soleil d'ailleurs. Non, mais là, ne cherchez pas après soleil, il y a une éclipse aujourd'hui, les amis. Totalement. On peut observer depuis le sud de la Belgique, nord de France, c'est l'éclipse totale. Ouais. Et donc, vous pouvez l'observer si vous êtes du côté de Quimper, les amis. Oui, de la pointe de la côte bretonne. Voilà. Bretonne, pas bourtonne. Allez, le slasher, qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, j'ai décidé de vous passer une BO de film, mais d'une personne très connue dans le métal. Donc, est-ce que vous avez vu John Wick 2 autour de cette table? Tu l'as vu, John Wick 2? Ben, moi, oui. Pas encore, ne raconte pas. Je te ne raconte pas, mais il est génial, en tout cas. Donc là, on va vous parler de Jerry Cantrell, qui figure dans la BO de John Wick 2. Donc, c'est qui, Jerry Cantrell? Bah, c'est tout simplement le cofondateur du groupe Alice in Chains, le fameux groupe de stoner. Il a aussi joué avec Ozzy Osbourne entre 2004 et 2005, voilà Valérie. Ah, papa. Oui, papa, et donc là il a fait une chanson qui figure pour la bande originale. Donc Jerry Cantrell est né le 18 mars 1966, donc il a 51 ans. Et donc là on va s'écouter le titre A Job To Do. Et c'est un film de quoi alors? C'est un film d'action. Ouais, action. Non, je pensais que c'était autre chose. C'est pas un film de boule. Non, c'était pas ce que je pensais. Non, on rassure tout le monde. C'est pas un film d'amour non plus. Que c'est un film d'horreur, vu que t'es 100% film d'horreur. Mais non, mais c'est violent, hein, c'est très violent. Hein. Ah oui, ah ouais, c'est ah ouais, très déjà bien trash. Ouais. Ah, le premier était déjà bien trash, mais celui-là, il est encore plus trash. Bien costaud. Ah, il est vraiment plus trash. Hein. Film de boule, tout de suite. Non, mais moi, j'aime bien les films. Non, mais c'est parce que tu rigoles. Non, moi aussi, tu sais, crois-moi. Non, parce que tu rigoles, mais... Je me cache en dessous de la table, mais ça sera encore mal interprété. Oh, c'est pas possible. Non, tu rigoles, c'est parce que je suis tombé tout à l'heure sur un film, bêtement, après, au patron. Oui, bien sûr, bêtement. Et il y a 30 acteurs et actrices qui ont parlé. Qui ont commencé par des films de boules. Ah bah oui, et j'étais vraiment étonné. Ben, oui, Stallone, ça on le sait. Oui. Mais le plus que j'ai vraiment été étonné, c'est deux personnes. Les acteurs de la petite maison dans la prairie. Si je te dis, si je te dis Michel Leeb et Monsieur Lucchini. Michel Leeb, voilà, oui. Là, j'étais vraiment étonné, quoi. J'imagine Michel Leeb en train de faire en plus ses sketchs avec des espagnols et tout ça, en train de faire des films de boules. Ah ouais, bon, bref. Jerry Cantrell qu'on a vu hein, aussi, Slasher. Oui, qu'on a vu au Main Square. Oui, il y a. En plus, avec... un groupe qui tourne pas beaucoup. Hein, ça ne tourne vraiment pas beaucoup. On les avait vus en première partie de Ghost. Oui, ouais, c'est ça. Avant, il y avait Mastodon. Mastodon, puis Alice in Chains, puis c'était Ghost, et puis c'était Iron Maiden, mais ouais. Ghost joue en premier par contre. Mmh. Ah ouais, voilà, c'est ça, Ghost. Vu que Ghost à cette époque-là n'était pas vraiment connu en fait. Maintenant, à mon avis, ils ne veulent plus jouer premier, tu sais. Ah ouais. Alors, je te laisse annoncer, Slasher. Donc, c'est Jerry Cantrell avec A Job To Do. Alors, c'est le Slasher sur RQC 95 FM sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma Slasher Song. Never lose. notre petit slasher, donc, c'était Jerry Cantrell avec A Job To Do. Et donc, du coup, comment on a découvert ça? Bah, à la fin de John Wick, on laisse à chaque fois le générique, comme dans les Marvel, pour savoir s'il y a un petit début à la fin. Puis on se dit, bordel, c'est du Alice in Chains, j'en suis sûr. On a été voir et on a bien été confirmé que c'était Jerry Cantrell, donc cofondateur de Alice in Chains. Il y a même une chanson de Marilyn Manson, d'ailleurs. Oui, cette fois-ci, dans le premier, un Marilyn Manson avec un featuring pour le premier. Et oui, voilà, donc c'était pour, si vous voulez voir ce film, hein, ben, c'est John Wick 2, et sachez bien qu'il y aura bientôt un 3. Et oui. Et c'est bien, parce que c'est vraiment une continuité, si t'as pas vu le 2, comme tu nous le disais tout à l'heure, hein, ça se passe 10 minutes après la fin du 1. Hein. Ah ouais, bah d'accord. Voilà. C'est pas comme d'autres disent, continuité, c'est 10 ans après, quoi. Voilà. On s'excuse, voilà. Nous avons un petit problème technique. Voilà. Si vous avez pas le son, il suffit de redémarrer un petit peu votre Facebook, et normalement, vous avez le son, les amis. Alors, on a notre ami toujours, hein, qui est là, notre auditeur, Jérémy, oui. Qui nous écoute depuis sa voiture. Sauf aujourd'hui. On est quand même mieux installé. Sauf de repos, hein. Voilà, c'est voilà. Bien. C'est plus confortable. Oui. Slasher ou Val, vous avez une petite question à Jérémy à poser, peut-être? Ouais, moi. Depuis combien de temps écoutes-tu du métal? La musique métal? Bah écoute, c'est plus ou moins depuis ton âge, en fait. Ah, ben c'est bien. J'étais une fois chez un cousin, il m'a fait découvrir un morceau des Guns N' Roses. C'était à l'époque des Usual Illusion. J'ai dit, wow, c'est quoi ce truc-là? Après, j'ai toujours cherché de plus rapide. Donc, c'était une découverte de Metallica. Après, bien plus tard, Sepultura, la bonne époque, avec Max Cavalera, enchanteur. Oui, quand t'entends à l'adolescence, l'âge rebelle, ou t'entends un morceau comme Refuse Resist, t'es conquis, quoi. Ouais, bon, il y a été Pantera et compagnie. Bon. D'accord. Et justement, c'est pas un peu frustrant de pouvoir, j'imagine quand tu fais ta road en voiture, hein, tout sérieux, hein, dans sa voiture en train de faire sa road, et tu écoutes des chansons, t'as envie de faire du imbanging en écoutant, en roulant peut-être. Ah, t'as envie, mais bon, tu veux quand même faire attention, rester sérieux. C'est un peu compliqué, non. Ouais. Ça démange, ouais. Et est-ce que tu rejoins un peu nos amis de Chantilly en disant que ce qui fait un peu la force, c'est nous, c'est pour savoir, parce que nous, ça nous aide aussi à améliorer un peu notre programmation et notre évolution à de faire l'émission dans de bonnes conditions pour vous, les auditeurs, auditrices, hein, comme c'est toi qui nous a proposé aussi de pouvoir faire des concours avec une semaine de délai, parce que justement, quand tu es dans ta voiture, tu ne peux pas jouer. Et c'est vrai que le raisonnement, il est très bien, et maintenant, c'est ce qu'on applique. Est-ce que justement, Rive d'Enfer, est-ce que ce qu'on joue avec Sylvain, le slasher et moi, ça t'apporte aussi beaucoup de nouvelles découvertes musicales? Ah, énormément de nouvelles découvertes. Ouais, ça c'est sûr que. Ouais, c'est vraiment bien. Et de temps en temps, ce qui est bien aussi, c'est que de temps en temps, tu fais revenir des anciens morceaux. Donc c'est aussi cool aussi d'un peu réécouter des morceaux que tu écoutais avant. Tu as perdu, on va dire, un peu de. T'as un peu perdu ça de vue et tu les réécoutes, c'est super aussi. Ouais. Et bon, quand on joue des vieux morceaux, ben nous, ça ne nous rajeunit pas, on te le dit honnêtement. pareil. Ouais. N'est-ce pas? Ah ouais, ça c'est sûr. Mais c'est des bons souvenirs quand même. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire une fois. On devrait un peu en discuter un jour autour de. Un spécial 80-90. Et t'as remarqué, le slasher, il se prépare tout doucement à la rentrée des classes. T'as remarqué? J'ai une petite nouvelle. Là, on s'énerve, on va encore s'énerver. Là, c'était pas la fin d'Aerosmith. Là, ça, ils sont entrés en studio, ils ont déjà enregistré une nouvelle. C'était à prévoir. Ouais, il l'avait dit, hein. Ouais, c'était à prévoir. Oui, mais pour l'Elfest, ils disaient date exclusive, seule date en France, incroyable. Mais bon, là, ils sont en France. C'est comme les scorpions, ça fait 5 ans qu'ils tournent. Ouais, mais ils n'arrêtaient pas pour en finir. Ouais. Brad Whitford a récemment déclaré que le groupe est entré en studio à Londres. Mm-hmm. C'est fou quand même. Ouais, non, il l'avait dit. Ouais. En fait, ils font ça, à mon avis, pour amener beaucoup de monde et avoir beaucoup de... Bon, c'est sûr et certain. C'est sûr. C'est à mon avis. Non, je crois pas. Je crois qu'au départ, c'est vrai qu'il y a peut-être le ras-le-bol qui est là, en disant ça fait autant de temps qu'on est sur les routes, on commence à prendre de l'âge, on veut prendre du recul et arrêter peut-être se consacrer à sa famille. Mais c'est plus fort, quoi. Ouais, ça démange, c'est, ça démange justement de les tourner, faire de la musique, arrêter, c'est pas possible. Ça doit être génial, t'es sur scène, tu vois toute une foule devant toi qui t'acclame, ça doit juste être terrible aussi. Quoi. Mais ça doit être dur à décrocher de ça quand même. Même en tant qu'acteur, musicien, même si c'est vrai qu'on a toujours, nous, l'impression de dire que c'est le plus beau métier du monde. Nous, en voyant un peu la face cachée, comme nous, on a l'occasion de la voir quand on est dans les coulisses des groupes qui sont fatigués, qui sont épuisés, qui ne veulent même pas des fois qu'on les approche, ce qui est logique, parce qu'ils ont donné 300% d'eux sur la scène. Dire peut-être des fois, on a envie de décrocher, mais après, ben, c'est dur de se dire, ben, oh non, on doit se remettre parce que voilà, quoi, faire de la musique, c'est la plus belle chose. On ne pourrait pas t'interdire d'arrêter. C'est comme si moi, on me dirait maintenant, du jour au lendemain, t'arrêtes de faire de la radio, ben, je serais malheureux. Rico, tu n'as pas intérêt de m'arrêter. Hein. Oh, s'il te plaît, Rico. L'émission continue. Hein. Mais je crois que c'est ça, surtout. C'est ça. C'est comme les scorpions, ils sont toujours en train de se dire, on arrête, mais ils sont toujours sur la route, quoi. On arrête ? Ah, bah non, en fait, on arrête. Je crois que si les gens, pareil, on les arrête, soit ils tombent dans une dépression pas possible. Ah, il y a des chances. Ou soit... Puis après, il y en a beaucoup qui arrêtent le groupe et qui font une carrière solo. Hein. Ouais. Bah, regarde, c'est comme Judas Priest, ils avaient dit ça à un moment donné, voilà, ils continuent toujours. Ouais, voilà. Allez, on va s'écouter par contre un groupe que je viens de recevoir qui s'appelle Miroplane avec le titre Salvation. Après, on passera à la balade crapuleuse et après, on appellera les Lunar Experiment. Allez, c'est parti. It's my soul. I didn't live sell myself to kill the pain instead, even if the price contains my life. Voilà, donc je vous avais dit, c'est une petite nouveauté, hein, c'est Mirrorland avec donc Salvation, c'est pas mal du tout, hein, c'est vraiment bien. Et là, on va se retrouver avec No Place Like Home, la petite balade d'aujourd'hui. Et on se retrouvera donc avec le groupe Lunar Experiment en interview, les amis. c'est pas mal du tout, hein, quand même, des balades comme ça, un peu à, la, à l'américaine. Hein. Mm-hmm. No place like home. Voilà, alors là, on va se retrouver un peu plus tôt que prévu, parce qu'on a essayé d'avoir les Lunar Experiment en phoneur, mais apparemment, ça ne répond pas. Donc, on va d'abord faire la Sylvalsogne. Et oui, ben moi aussi, écoute, je vais t'emmener aux États-Unis, en Floride. Mmh. Et pour un truc qui déménage un peu plus cette fois-ci, oui. J'ai choisi Morbid Angel. Waouh! Non, mais c'est pas vrai! Dis-moi pas que c'est pas vrai! Tous les gens que je connais sont tombés red mort. Non, moi je le savais, mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Oui. Bah oui, Morbid Angel, non, j'aime bien, j'avoue, j'aime bien. Mmh. J'aime bien parce que je trouve que le timbre de voix de David Vincent est excellent. Oui. Et son timbre de voix, il baisse jamais, tu sais, s'en raille pas. Parce que des fois, quand tu les as en direct, tu dis, oula, la voix, elle est vachement mixée sur album. Et en fin de compte, à chaque fois que tu vois en concert, bah, y a toujours le même timbre de voix que sur les albums, quoi. Donc sa voix, elle est vraiment pas mixée du tout. Et j'avoue, moi, pourtant, c'est pas vraiment ma cam, le def, on va dire, def metal. Mais c'est un groupe que j'aime bien parce que, bah, comme je disais à un de mes amis, s'il va nous écouter ce soir ou ultérieurement, je trouve que Morbid Angel, c'est un tourbillon. Je l'ai défini comme ça, un tourbillon, ouais, t'emporter. C'est vraiment... Enfin, pour moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs groupes de def angel. De death metal, pardon. Où je suis partie, moi, dans mes death. Moi, c'est parce que je rigolais quand tu disais David Vincent, c'est parce que j'aimerais. Ouais, parce que ça fait les envahisseurs. Et moi aussi, je sais plus baisser mon petit doigt, donc voilà. Ouais. Donc, tu vois encore quelque chose qu'on disait tout à l'heure, hein, ça nous rappelle notre jeunesse, et boum, voilà, ça nous rajoute. Bah ouais, c'est vieux ça, la série. Ouais. Hein. Donc, j'ai choisi un Morbid Angel, voilà, avec un album qui a été très très mal perçu. C'est l'album de 2011. Qui est, si je ne m'abuse, Hailud Divinum Inzanus. Yes. Donc, il a été très mal perçu parce qu'il y a eu un mouvement un peu indus dedans. Mm-hmm. Je trouve pas tellement, moi, mais bon. Enfin, après, les goûts et les couleurs, bon, c'est sûr que j'ai pas tous les albums de Morbid Angel, mais bon, je les trouve pas mal. Ouais. Bon, sur cet album-là aussi, il ne faut pas oublier que y a que David Vincent qui a composé. Mmh. Mais tu sais, c'est un peu... Ouais. Je reviens un peu à ce que tu dis. Hein. Les gens, quand ils sont habitués à quelque chose et puis que l'artiste il va un peu changer l'orientation musicale, ça passe très mal. Tiens, je vais un peu changer pour pas que ça... C'est toujours du pareil au même. Bah, comme Alice Cooper, on va dire. Hein. Tous ses albums ne se ressemblent pas du tout. Hein. Tout il y a un peu de tout. Hein. Mmh. Et là, je crois qu'il a voulu faire autre chose qui n'a pas plu. Enfin, voilà quoi. Et j'ai choisi le titre d'Instructos, The Earth Attack. Alors là, celui-là, il est génial. Voilà. Eh bien, on va s'écouter ton titre alors. Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylvalsong. Test you. Eh ben, Sylval. Eh oui, hein. Voilà, donc voilà. Donc c'était Morbid Angel avec le titre Destructos. Et ça, tu aimes ? Ouais, c'était pas... Ouais, c'est bien, hein. Ouais. C'est bien. Tu t'avais pas été... T'avais pas été voir à 4h ? Non, c'est pas ce que tu disais. D'accord. Bon, parce qu'il est passé, mais sous un autre nom, quoi. Ouais, I am Morbid, ouais. Qui a un titre de cet album-là aussi, en plus. I am Morbid. J'ai fait l'impasse. Moi j'ai quand même été surprise de le voir de très près. C'est un très bel homme. Ah là là, mais quand tu m'auras tout dit. Ça y est, grande dragueuse en plus. Quand tu m'auras tout dit. Bah, j'ai trouvé voilà. Qu'il était vachement sympa avec son public. Mais ma question qui me taraude depuis 7 minutes, parce que le morceau il fait 7 minutes, hein. Est-ce qu'il a le doigt en l'air ? Le petit doigt ? Non. Donc c'est pas un envahisseur. C'est pas un envahisseur. Enfin, il a envahi tête autrement, on va dire, voilà, ouais. Par sa musique. Mmh. Ah oui, c'est quand même le troisième groupe le plus vendu de death metal. Ouais. Ouais. À mon avis, le premier, je sais pas, maintenant je dis peut-être des bêtises, le premier, ça va quand même rester le groupe Death, que malheureusement qui n'existe non, plus. Non, c'est pas lui, je sais plus qu'est-ce que c'est, je les ai lus, tu sais, mais je sais plus. Mmh. Enfin, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, font, hein. Ouais. Et oui. Donc, ouais. Et ben, c'est un bon choix, Sylvain. Ouais, moi j'aime bien. Voilà. Franchement, je reviendrai peut-être là-dessus dans les prochaines semaines, parce qu'il me semble, mais je vais vérifier la confirmation. Qui passerait au Bebop, mais je vais vérifier. Ah, c'est peut-être bien possible. Hein, ah, c'est oui. Parce qu'à un moment donné, il y avait une histoire d'annulation de tournée européenne, mais il me semble qu'ils vont quand même passer, il me semble. Je vais vérifier ça et je tiendrai au courant The People. The People. Alors j'en profite un peu, comme justement, on parle un peu avec Jérémy, qui est là juste à notre gauche, hein, notre invité qui est venu chercher son lot parce qu'il a remporté un CD, et c'est bien, hein, voilà. On va un peu faire un petit coucou à tous nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent par la bande FM. Hello. Ou par Internet, ou même qui nous voient par la caméra. Oui, voilà. Aussi bien donc du côté du Japon, d'Israël, de la Turquie, de la Chine. Argentina, Mexico. De la Chine, les États-Unis, Brésil. Suisse, Allemagne, Brésil. Il y a encore un petit peu des gens qui ne veulent pas trop s'identifier, mais on sait bien qu'il y a aussi la Norvège, la Finlande, la Russie aussi, enfin un peu partout, la Grèce, donc si vous voulez m'inviter en Grèce, il n'y a pas de souci les amis, non je rigole quand même, mais ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir de nous écouter un peu partout, et par contre si vous êtes un groupe, ou si vous connaissez des groupes un peu partout dans le monde qui veulent qu'on joue leur musique, c'est très simple, ils peuvent nous contacter sur rivedenfer.rqc@gmail.com. Voilà, et vous nous envoyez un petit peu, on vous dira un petit peu comment faire, parce que nous aussi on veut faire un petit peu découvrir des groupes qui ne sont peut-être pas connus par chez nous, même des petits groupes locaux, hein. Il peut y avoir des groupes du côté d'Athènes par exemple, du côté de l'Argentine, du côté du Brésil, pourquoi pas, et nous aussi vous faire jouer ici dans Rive d'Enfer, c'est le but aussi premier de découvrir, c'est comme tu disais Jérémy, et comme Agnès et Yannick disaient, Yannick disait, on découvre énormément de choses ici dans Rive d'Enfer. C'est vrai. Voilà, donc c'est un peu le but aussi de nous, de faire découvrir des choses sans vouloir faire trop les malins. On ne joue pas que du... Enfin, j'aime pas dire du commercial, parce que ça reste quand même du son audible. Mais c'est pas des groupes qu'on... Voilà, on va pas jouer du Metallica ou du Megadeth ou du Sepultura tous les lundis. On va jouer des groupes que vous ne connaissez peut-être pas ou peut-être presque pas. Et que vous avez entendu parler par des amis ou quoi. Voilà. Allez, justement, en parlant de ça, on va s'écouter Devolver avec Life Lost et sa single, donc on attend l'album incessamment sous peu. Alors c'était pas mal du tout hein, ça aussi. Hein. Oui, ça bouge bien aussi. Ouais, ça. C'est Devolver, c'est vraiment pas mal. Juste avant de retrouver encore un de tes titres, oui. Sylvain, on va s'écouter une nouveauté qu'on a reçue de Wilco. Je lui fais un petit coucou à Wilco, donc de la Hollande, hein, maison de disques. Et on va s'écouter The Hunted. Ça va faire plaisir à certains et certaines que je connais du côté de... Moi, j'aimerais bien manger de la crème fraîche. La chantilly. Les cantiliens. Je sais pas d'ailleurs si c'est là qu'on fait, d'où vient le nom la chantilly, j'en sais rien. Il faudra demander. Donc voilà, si vous les écoutez, les amis, même on ne l'envoyait pas par lettre, ça servira à rien. Ou alors en hiver. On va s'écouter The Hunted avec Spark, un groupe qu'on avait vu avec un festival aussi qui n'existe plus, si tu te souviens, le Slasher, les Métallurgicales. Qui... Bah, ils ont quand même fait venir des grands groupes, ils ont fait venir Tank, Think of New Kid, Anthrax quand même. Ouais. Et pareil, il y avait aussi The Hunted qui jouait à l'époque. Oui. Mais encore une fois, après il faut pouvoir allonger et il faut avoir un public. Et c'est ce qu'on expliquait un petit peu hors antenne. J'ai rien du tout contre les jeunes publics, loin de là. Il en faut pour justement prendre la relève de vieux dinosaures comme nous. Mais c'est plus un public comme on a connu, nous, un public de consommation. C'est-à-dire qu'avant, on consommait plus, on allait boire un verre. Déjà, maintenant, on ferme directement les bars quand le concert est terminé. Donc, il n'y a plus de consommation qui se passe. Ouais. Je trouve que ça, c'est un peu dommage. Et puis, on consommait, on achetait des t-shirts, on buvait notre boisson gazeuse ou notre pils, ceux qu'il y en a qui boivent. Mais maintenant, si on a 2-3 francs 6 sous pour sortir, parce que les concerts sont de plus en plus chers... Et voilà, c'est on ne peut plus. Hein, et c'est ça qui fait que. Bah, les jeunes ont de plus en plus aussi de difficultés au niveau du travail. C'est ça, d'argent pour les jeunes aussi. Ouais. C'est pas facile. C'est ça, c'est pas évident. Voilà. Et c'est ça qui fait plus beaucoup. Plus même qu'à notre époque. C'est tout ça. À fait. Moi, j'ai regardé, j'ai retrouvé un peu d'étiquettes de concert à l'époque et je reconvertissais. C'était même pas 10 euros. Def Leppard à Forêt Nationale. Ben voilà, quoi. Hein. Def Leppard à Forêt Nationale, 10 euros. Quoi. Il est loin ce... Def Leppard à Forêt Nationale, combien vous demanderiez maintenant? 60 euros. Non, je dirais un bon 40-45 euros. Oh, largement, je pense. À mon avis, maintenant. Des groupes, je sais plus. Et pourtant. Ils demandaient 100 euros au Stade de France. Et pourtant, Def Leppard, c'est à l'époque de la tournée. Historia par un euro aussi. Ouais, 100 euros. C'est cher. Hein. Et encore, c'est les plus petites places. Hein, 100 en euros. Plus. Non, c'était 100 euros pour peu importe ta place où tu étais en fait. Ouais. Oh. En plus, le nouvel album de Metallica. J'aime pas. Bah, ça, c'est les goûts. Il y avait la demande. Il y a un pote qui a essayé d'avoir les places, qui a essayé le premier jour. Le premier jour, tout était déjà raflé aussi. Forcément, il y a beaucoup de demandes, donc ils font augmenter. Et c'est pourquoi les dates de Metallica 11 novembre. C'est 11 novembre. Novembre. Il y aura peut-être un passage. Mais normalement, ils viennent au Download Festival. Il paraît. Bras en verse. Oui. Ouais. Tu y vas, toi? Bon, ouais, ça va, il a réussi à avoir les places. Ben, il cherche après 3 places. On en a pu qu'en avoir que 2. Encore, on a su avoir la réponse que le lundi, en fait. Donc, le week-end était écoulé, il n'y avait déjà plus de places. On est resté avec un gros point d'interrogation, finalement. C'est encore une fois un groupe que je suivais depuis le début et j'ai pas eu l'occasion de le voir en live. Un petit festival, mais c'est sûr et certain. Ne nous demandez pas la question, ne nous posez pas la question. Il n'y aura pas de Metallica au Hellfest. Oui, tout simplement pourquoi? Parce que déjà Metallica a signé un contrat avec Live Nation et donc Live Nation et Hellfest ça va pas, c'est pas les mêmes contrats, c'est pas les mêmes. Donc arrêtez de dire chaque fois en conférence de presse on pique une crise. Même Ben Barbo, en restant calme et diplomatique, a fait comprendre aux gars non, il y aura pas de Metallica. Et la personne a cherché à dire ouais, mais vous pouvez faire venir quand? Comme ça il y aura Trujillo, les autres membres vont suivre. Bah, bien sûr que non. Donc Metallica viendra jamais. Agnès vient de nous dire c'était mieux Metallica avant. C'était mieux avant Black Album. Moi je dirais le Black Album. Moi j'ai rien acheté comme sur cet album. Quoi. Ouais. Et justement, on parlait comme ça et je suis persuadé aussi qu'on devrait arrêter aussi de mettre que des places en vente. On devrait partager en dire ben voilà, on met, je sais pas moi, 1000 places en vente sur le net et 1000 places dans les billetteries où les gens doivent se déplacer. En général, C'est comme ça, j'ai pas bien compris leur truc non plus. Maintenant, c'est au plus offrant, les gens ils sont connectés à minuit une. Ah voilà, c'était pour acheter. En 5 minutes, c'était vendu. Et en 5 minutes, c'est connecté, c'est fini quoi. Encore une fois, bah, celui comme un CDC, c'était un temps record. En temps et en voilà. Heure, mais il n'y a pas sa place non plus. Avant, tu faisais ta file dans les distributeurs attitrés, les billetteries. Tous les disquaires avaient des places, ils avaient peut-être 20-30 places à vendre. Moi, je me rappelle qu'il y avait un magasin de musique, il y en avait à Bruxelles, il y en avait à Liège, qui s'appelait Caroline, parce que maintenant, je ne sais pas s'ils existent toujours, Caroline Musique, ils avaient, je ne sais pas moi, le 200 places à vendre, ils avaient leurs 100 places, tu avais les Fnac, les Furets, tu avais plein de billetteries où tu pouvais te rendre, donc tu avais plusieurs chances de le faire. Encore une fois, tu as plus de chances de pouvoir y accéder. Voilà, maintenant, tu as le net, et puis tu as aussi des gens, et ça me pète les couilles, oui, excusez-moi, qui achètent 5-6 places, et c'est pour revendre après sur les sites aux enchères, à des prix de fou. Ça, on devrait contrôler, parce que quand tu sortes d'un concert, je me rappelle, il y a une vingtaine d'années... Oui, bah même maintenant, football, où tu avais des flics qui te regardaient parce que tu vendais ta place, parce que malheureusement, tu avais une copine ou un copain qui ne savait pas venir, on disait que tu vendais une place au marché noir, c'était même pas le cas, parce que tu la vendais le même prix. Maintenant, on contrôle même plus ça, mais on contrôle même pas les gens qui font ça sur le net. Oui. Je trouve ça vraiment aberrant, quoi, aberrant. Sylvain, tu te rappelles, Kikette. Kikette, oui. Oh bah là, on va vous laisser. On va s'écouter The Hunted avec Spark et on se retrouve tout de suite après, les amis. Dallas, des boîtes, des esgourdes. Hein. The Hunted avec Spark. Alors, Sylval, tu nous as choisi quoi? Alors, moi j'ai choisi une petite nouveauté anglaise. Donc, c'est Dirty Tries avec le titre I'll Be With You. Waouh, et là on va passer maintenant en Angleterre. Yops. Ouais, là on change totalement Morbid Angel. Hein. Ouais, ouais. Un groupe anglais, c'est du blues. Bluesy, rock, ouais, blues, voilà. Rock, mais c'est bien foutu. Donc ça sera pas du tout le même style. Ah non, non, mais voilà, tout. Mais c'est justement, ouais, c'est voilà, ça. Voilà, ben, on saute un peu de tous les styles. Voilà. Hein, là. Et c'est on passe ça qui... de l'indus, du glam, du blues, du rock, du trash, du speed, du heavy, enfin un peu de tout. C'est ce qui fait la magie, la magie. Allez, je te laisse annoncer le titre. Alors, Dirty Tries avec I'll Be With You. Ah voilà, donc Sylval, c'était ? Donc c'était les Dirty Tries avec le titre I'll Be With You. Voilà, donc tu vois, c'est un peu le changement aussi. Hein, Ah ouais, c'est totalement le changement. Ouais, c'est ça, moi j'aime bien, moi. Parce qu'il y a vraiment pour tous les goûts. Hein, voilà. Il y a du dev, du mélodique, de l'indus, du gothique, enfin il y a vraiment tout. Et donc ça peut faire un peu la transition parce que justement dans 3 semaines c'est le RM Festival et il y aura beaucoup de musique un peu pressemblable, du rock, du blues, du... Bah, c'est un bon festival pour de la découverte, pour la convivialité, pour tout. Voilà, tout à fait. T'as aussi... des magasins, si je peux appeler ça comme ça, qui vendent CD, disques, enfin un petit peu de tout, t-shirts. Mmh. Ouais, c'est sympa. Ah franchement, bah, si t'as rien à faire, ben voilà. Viens nous rejoindre. Ouais. D'ailleurs, c'est lundi prochain qu'on fait le spécial Ramfest, hein, les amis. Ouais. Et oui. Allez, on va s'écouter. Et là, ça va faire plaisir à nos amis un petit peu plus agressifs. On a parlé justement de Septic Flesh, n'est-ce pas, ouais. Slasher ? Ah, les amis. J'aime bien aussi, moi, ça. Oui. Avec, donc, on les avait vus, nous, en première partie de Moonspell. Voilà. Et pourquoi Septic Flesh ? On en a parlé tout à l'heure. Slasher, c'était grec. Pourquoi ? Ouais, grec. Oui. Et Greco. Qu'est-ce qui nous fait la couverture de l'album de Dagoba, bien entendu. Comment il s'appelle, le chanteur. Oui. Ah, vous savez plus son nom, bah, c'est Seth. Ah ouais, c'était ça. Ah oui. C'était ça. C'était ça. Septic Flesh avec Enemy of Truth. C'est nouveau, c'est tout frais. On remercie Season of Mist de nous avoir envoyé cette petite perle. Le monde un peu symphonique comme ça de Septic Flesh est pas mal. Oui. Et sincèrement, on te conseille, si tu les as jamais vus, d'aller les voir, ça vaut le coup. Ouais, c'est bien. Ça donne envie. Déjà, l'armure de Seth, elle est vraiment super bien foutue. Ouais. Et il fait tout lui-même, il crée tout, les pochettes, les décors et tout. C'est... Ouais, puis il est sympa aussi. Ouais. Bien genre, dark, on faisait l'interview de Moonspell au Bebop. Il rentre, il dit en anglais, je sais pas, vous voulez des frites, tu vois. Ouais, il est sympa. Franchement, il n'y a pas la grosse tête, rien. C'est ça qui est bien. C'est ça. Et il y a de moins en moins aussi de groupes qui n'ont pas la grosse tête, quoi, ou qui après, malheureusement, ils prennent la grosse tête. C'est quand ils deviennent plus connus. Ouais, sauf certains groupes qui préfèrent rester terre à terre. Je prends un exemple, nos amis Avatar. Oui, pour l'instant, ils sont toujours. Ils sont toujours tels quels, ouais, pourtant ils grimpent énormément. Je ne vais pas comparer à d'autres groupes, qu'on a connus au début, que maintenant il y a certains membres qui se prennent un peu plus la tête, quoi. Ça, ah, c'est sûr. Voilà. C'est ça. Restez humbles, les amis. Vous, voilà. Moi, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois Bruce Dickinson. C'est plutôt les managers qui mettent des barrières, mais le mec, il est super cool, quoi. Il est super. C'est un grand monsieur. Bah, t'as joué au foot avec. Hein. Oui, c'est un grand mot, jouer au foot. Hein. Moi, je faisais le ballon. Voilà. Alors, on va s'écouter Dimmu Borgir avec Ritualist. C'est nouveau, c'est tout frais. C'est extrait d'un EP qui s'appelle Force of the Northern Night. Continue. Alors voilà, un petit peu plus symphonique quand même, le Dimmu Borgir, hein, avec Ritualiste. Alors juste avant de se quitter, on va écouter un dernier titre, parce qu'on se dira au revoir, on dira au revoir à Jérémy, qui est venu chercher son dû. Hein. On va d'abord écouter Stormburst avec Say You Will, et après on se dira au revoir... parce que malheureusement, il est l'heure. Déjà, il est l'heure. Il passe vite, hein, deux heures. Il est l'heure, monseigneur. Il est déjà l'heure. Allez, c'est parti. Voilà, donc c'était Stormbreast avec Say You Will, extrait de l'album Raise to Rock. Et ben voilà, Sylval. Et oui, il est l'heure de se quitter. Et oui, Stasher, il est l'heure. Voilà, Jérémy, et ben, ton ressenti? Ah bah écoute, c'était cool, une chouette expérience et merci pour l'invitation aussi. Ouais, c'est sympa. Hein. Bonne équipe aussi. Voilà. Vous êtes bien. Donc. Ben merci continuez beaucoup. Continuez comme ça. Et... qu'il y a encore plein de rives d'enfer dans le futur. Mais c'est plein, c'est gentil. On reçoit les fleurs et tout, ouais, c'est génial. Même si un jour t'en as marre, il y a le petit jeune qui est là maintenant pour gérer après toi. qui sait, pourquoi pas, mais bon, j'espère qu'il va pas. Non, mais bon, non. Rives d'enfer, normalement, à de longues années devant, parce que si même on ne serait plus apte à faire des concerts, d'accord avec moi, faire deux heures d'émission, on serait quand même le faire. Si c'est vrai, on ne sait jamais, c'est vrai, par la suite. Mais voilà, Rives d'enfer répondra toujours à vos demandes, tant qu'on peut le faire. Et voilà, vous êtes un peu partout dans le monde à nous écouter. Et encore une fois, on vous remercie très, très, très fort. Moi, je manque de me choper un élastique dans l'œil par ton très cher et tendre fils. Mais le jour où il aura un cerveau, il fera signe. N'est-ce pas, et Sacha? Voilà. Ben, Jérémy, je te remercie et continue à participer. Et si tu as des idées, surtout, n'hésite pas. Et si vous avez des idées, faites comme Jérémy. Parlez-en. Oui. Voilà. Mais c'est ça qui est bien, vous êtes ouverts, vous êtes à l'écoute et c'est nickel. Quoi. Ah ouais, nous on est. C'est vrai qu'on est ouverts à toute proposition. Hein. Oui, voilà, on est ouverts à tout. Voilà, on est ouvert, on est aware, comme dirait monsieur Jean-Claude Van Damme. Voilà, bah Val, on se retrouve la semaine prochaine. Slasher, je sais pas si tu seras là, mais nous, on fera... J'aurai certainement du retard, moi, parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment. Ok, et normalement, c'est le spécial Remfest. On vous jouera des groupes qui seront là au Remfest. Il y a donc, d'excellents groupes, déjà pour la 19e, donc à mon avis, la 20e va être... Voilà. Allez, ciao les amis, Jérémy, bon retour chez toi. Merci les amis de nous avoir écoutés. Un petit coup de... Bye bye. Et on se quitte, avec les botanistes, avec The Shape of He to Come. We'll be right back.